Les vacances au soleil, l'argent facile, oui ça t'en rêve. La réalité aujourd'hui c'est qu'il y en a encore qui crèvent. Regarde les autres vivre pour oublier leur quotidien. Pleure quand ils sont seuls en espérant se relever demain. Sans comprendre pourquoi on leur fait payer tout ça. Aurait préféré naître un autre jour, un autre endroit. Accepte toutes leurs faiblesses, ouais. Se débrouillent pour cacher leur moindre détresse. Ils espèrent plus que toi sortir vainqueur et sans dégâts. Ont beaucoup plus à faire que n'importe quel de tes bourgeois. C'est comme un des mortels, espère encore l'Éden. Je n'en vois pas un seul ne pas attendre la bonne aubaine. Face à sa sueur, son sang c'est là. Face à sa sueur, son sang c'est là. Face à sa sueur, son sang c'est là. Seul. Face à sa sueur, son sang c'est là. Était parti, ouais. Il avait fait le vide autour de lui comme par mépris. Haïssait la vie, la mort, même son destin. Comme on dit, ça n'arrive qu'aux autres sans ne jamais penser aux siens. Si la vie est faite de larmes, j'aimerais tellement te dire que ça aussi, ça a son charme, ouais. Raconter des histoires, te montrer que dehors il ne fait pas toujours si noir. Et pourtant c'est le cas, de nombreuses personnes ne reviennent pas de leur combat, ouais. Ne croient pas aux miracles et ont oublié certains exemples du passé. Baisse les bras, dégoûté par les différences. Assez de faire partie de ceux qui n'ont pas connu la chance. Face à sa sueur, son sang c'est là. Face à sa sueur, son sang c'est là. Face à sa sueur, son sang c'est là. Seul. Face à sa sueur, son sang c'est là. Face à sa sueur, son sang c'est là. Face à sa sueur, son sang c'est là. Seul. Les plus belles paroles, les meilleures raisons. On connaît ça par cœur, ça fait partie de la leçon. Chacun y trouve son compte, ne s'en rend même pas compte. En remuant la merde, évite que les odeurs remontent. Le discours classique de ceux qui pèsent et ont du fric ne te parle que de vacances et de séjours en Amérique, ouais. Toi tu crèves de honte, de faim devant les tiens. Ce qu'espérait voir en toi un meilleur lendemain. Sont déçus, déchus de tout le rêve perdu. Tout s'écroule, les boules, t'as l'impression que tout est foutu, ouais. Regarde autour de toi, regarde. Ne baisse pas, ne baisse pas les bras. Seul, ceux qui mènent la danse dans ta survie. Seul, face à sa sueur, son sang c'est là. Seul, ceux qui mènent la danse dans ta survie. Seul, face à sa sueur, son sang c'est là. Seul, face à sa sueur, son sang c'est là. Seul, face à sa sueur, son sang c'est là. Seul, ceux qui mènent la danse dans ta survie. Face à sa sueur, son sang c'est là. Seul, face à sa sueur, son sang c'est là. Son sang c'est là. Ceux qui mènent la danse dans ta survie. Face à sa sueur, son sang c'est là. Seul. Face à sa sueur, son sang c'est là. Seul. Face à sa sueur, son sang c'est là. Seul.